Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Verdi, grand maître de l'opéra et symbole du patriotisme italien au 19e siècle. Le plus important, c'est sûrement Verdi. Parce que, oui, Garibaldi a fait ce qu'il a fait. Bon, Cavour a fait ce qu'il a fait. Il a fait du bien, il a fait du mal. Mais ce qui était très important, c'est que la musique de Verdi enflammait les Italiens. Et la musique de Verdi trouvait les Italiens complètement tous d'accord dans un but. C'était de se libérer de l'étranger, de devenir une nation libre et tout à fait italienne. Le réalisateur et metteur en scène Luchino Visconti dans le documentaire Passion Verdi, réalisé par Michel Follin et diffusé sur Arte en 2013. Plus qu'un simple compositeur, Verdi va incarner avec sa musique la marche de tout un peuple, le peuple italien, vers son indépendance. Verdi reste aussi, bien sûr, l'un des plus grands compositeurs d'opéra de toute l'histoire. Il a été le maître incontesté de l'opéra italien de la deuxième moitié du 19e siècle. La grande force de Verdi, à première vue, c'est l'invention de la mélodie. Il a des mélodies qui sont extrêmement directes, extrêmement simples, mais il va plus loin. Il ne cherche pas la beauté seulement dans la mélodie. Il cherche une mélodie qui peut réunir beaucoup, beaucoup de gens. Et c'est basé sur des thèmes extrêmement humains. Sur le célèbre air de la Traviata, Libiamo, vous entendiez le chef d'orchestre suisse Philippe Jordan, autre extrait du documentaire d'Arte Passion Verdi. Pour nous parler de Giuseppe Verdi, j'ai le plaisir d'accueillir ma collègue de Vancouver, Sylvia Lécuyer, qui est animatrice de l'émission Place à l'Opéra, diffusée à l'antenne d'ici Musique. Sylvia Lécuyer, bonjour. Bonjour, Jacques. Quelle place il occupe, Sylvia, Verdi, dans l'histoire de l'opéra? Il occupe une place immense dans l'histoire, mais dans le cœur, dans la passion des gens. La citation que vous aviez tout à l'heure de Visconti était très claire là-dessus. Il a réussi à être populaire, à être bouleversant, à fasciner, parfois à choquer, ça dépend des opéras ou des œuvres qu'il avait, mais c'est impossible de rester indifférent à cet homme. Donc sa place était particulièrement importante. Né en 1813, ça c'est la même année que Wagner, c'est la même année que Britten, donc ça couvre le siècle entier, ce qu'il a fait. Et cette musique était absolument répandue partout en Europe. Et c'est toujours le cas. J'ai trouvé un chiffre intéressant cette année. De 2011 à 2016, la Traviata a été représentée 4190 fois. Alors, c'est vraiment généralement la première ou la deuxième des œuvres les plus représentées sur les scènes. Parce qu'en fait, c'est ça. Le génie de Verdi est encore bien présent aujourd'hui. Les airs, parmi vraiment les grands airs les plus connus, beaucoup sont des airs de Verdi. Oui, et parce que c'est une sorte de, je qualifierais de séduction lyrique. Oui. Ces airs-là sont irrésistibles. Souvent, la musique se base sur des thèmes qui sont des thèmes de danse. Libiamo, par exemple, c'est une danse, c'est une sorte de valse rapide. Donc, on est emporté. Il y a une sorte d'impulsion physique, d'impulsion rythmique, d'impulsion mélodique qui s'empare de nous et on ne peut pas y résister. Il y a des gens qui ont trouvé dans le passé que certains opéras étaient presque... Ils ont employé le mot vulgaire parce que c'était trop facile d'aimer. Ouais. Et ça, je trouve que c'est une très mauvaise façon de le traiter. Alors, on est ici très, très loin, Sylvia Lécuyer, de toute forme de facilité ou de vulgarité, là, pour reprendre ce qualificatif qu'on a à tort attribué à Verdi. Mais on est dans un air qu'on retient, dans le lyrisme, le grand lyrisme. Et ce qu'on vient d'entendre, en fait, c'est un extrait du célèbre Chœur des esclaves de l'opéra Nabucco. C'est le premier grand succès de Verdi, Nabucco. Et pour revenir à ce qu'on entendait au tout début de l'émission, à ce que disait Luchino Visconti sur le patriotisme, la dimension politique de Verdi, parlez-nous justement de la signification que va prendre cet opéra-là, Nabucco, cet air qu'on vient d'entendre, qui devient un peu un hymne à la liberté italienne. Absolument. Et d'ailleurs, ça le reste jusqu'à présent. Récemment, Riccardo Muti a dû répéter ce chœur à un concert à Rome parce qu'on voulait vraiment signaler cette importance de l'identité italienne. Ce qui est arrivé, c'est qu'au moment de la composition, en 1842, l'Italie, cette région du nord de l'Italie, était sous l'occupation autrichienne. C'est assez intéressant que Verdi est né dans ce qui était d'abord une occupation française, dans le duché de Parme. Ensuite, c'est devenu autrichien et enfin, il est devenu italien en 1861. Et là, dans l'opéra, on a les Hébreux qui sont en captivité à Babylone. Donc, on a ce peuple opprimé par un peuple ennemi. Ça n'a pas été difficile de tout de suite faire le rapport avec l'occupation autrichienne, bien sûr, dans tout le nord de l'Italie. Donc, ça a parlé au cœur du public immédiatement. Ouais. Et même Verdi, le nom de Verdi, racontez-moi ça, parce que c'est trop succulent. Il y aura une méprise. Justement, l'occupant, appelons-le comme ça, l'occupant autrichien, va se méprendre parce que Verdi est partout à ce moment-là. Voilà, des graffitis sur les murs de Milan, en fait, dans toute la région du nord de l'Italie, où on avait les grandes lettres V-E-R-D-I en majuscule, avec un point entre chaque une des lettres, parce qu'on voulait dire Victor Emmanuel Re di Italia. Alors, surtout à partir de 1848, avec le début de la révolution, du Risorgimento, des essais d'unification de l'Italie, Verdi voulait, c'était comme un message caché, mais très visible en même temps, et c'est pour ça que ça a parlé, évidemment, tout de suite, immédiatement au peuple. Et lui-même va, peut-être que ça va le dépasser, de fait, parce que lui-même va faire de la politique un peu, il va être élu plus tard, il sera élu député italien, mais on veut bien l'associer à ce mouvement politique, à cette marche de l'Italie vers sa libération politique. Et il veut bien aussi, parce que pour lui, l'Italie, c'est très important. Il est né dans d'une famille très modeste, son père était aubergiste, sa mère était fileuse, c'était des gens qui n'avaient pas une grande éducation, mais qui voulaient une belle éducation pour leur fils. Et quand il a commencé ses études, il s'est intéressé bien sûr à la musique, d'ailleurs son premier poste, c'était à l'âge de 9 ans, comme organiste, mais il s'est intéressé aussi à la langue, à la littérature, ça signifiait beaucoup pour lui. Parce qu'il faut bien savoir qu'avant l'unification de l'Italie, on avait des parcelles de différents dialectes qui étaient parlés un peu partout. Et il a voulu trouver la bonne langue pour parler de son Italie, pour la rendre musicale. Et ça a été une préoccupation constante pour lui. Et puis, il va, de fil en aiguille, arriver à ce premier opéra majeur, on le disait, qui sera son premier grand succès, Nabucco. Extrait de l'opéra Nabucco, on entendait cette fois le célèbre air Abigail. C'est intéressant, cet opéra, parce qu'il nous parle du début de la carrière du grand succès qu'aura Verdi, Sylvia Lécuyer, mais plus que ça, ça nous parle aussi de l'homme. Il écrit ça alors qu'il vient de perdre sa première femme, et c'est la femme avec qui il va passer 50 ans qui va interpréter cet air-là. Oui, c'était Nabucco, ça a été la libération du peuple italien et ça a été le changement de vie pour Verdi complètement. Juste avant, en 1840, il avait écrit son premier opéra, Oberto, pas grand succès. Et pendant qu'il finissait les représentations d'Oberto, son fils, qui avait à peine 2 ans à l'époque, est mort. Il se met ensuite à écrire Un giorno di regno, une comédie bouffe. Et pendant qu'il écrit ça, sa femme et sa fille meurent aussi. Alors vraiment, c'était en plus en train d'écrire une comédie bouffe, vous imaginez, il était complètement atterré, cet homme-là. C'était vraiment difficile. Et là, il a rencontré cette femme, Giuseppina Streponi, qui a vu sa musique, qui a entendu sa musique, qui a cru en lui et qui s'est battue pour faire représenter ses œuvres, et particulièrement Nabucco, à la Scala, pour lui. C'était vraiment incroyable. Et il a dit, oui, si vous le chantez, je veux bien, on va présenter cet opéra-là. Elle l'a fait et elle a continué de croire en lui et d'être à ses côtés pendant 50 ans. Même si elle a dû abandonner sa carrière quand même assez rapidement pour toutes sortes de raisons. D'abord parce qu'elle était... il voulait faire un couple avec elle. Il voulait vraiment vivre avec elle. À l'époque, on ne s'associe pas avec une chanteuse. Ouais. C'était quelqu'un qui avait une mauvaise réputation. D'ailleurs, elle avait eu une vie extrêmement difficile. Une liaison avec le ténor Mariani qui avait donné deux enfants qu'elle a dû abandonner. Ça l'a absolument déchirée. Et après toutes les épreuves de ces déchirements de femme qu'elle a vécu, elle a dit non, c'est pas possible, je peux plus continuer cette carrière. Elle va finir par déménager à Paris, devenir professeure de chant, coach vocal, comme on dit maintenant aujourd'hui, à l'époque. Et elle a continué de soutenir Verdi. Et c'est seulement en 1859 qu'il va finalement la marier. Pourquoi ça a pris tellement longtemps? Parce qu'il y avait cette culpabilité. Il était resté quand même très fidèle au souvenir de sa première femme. Mais vraiment, grande importance dans la vie, bien sûr, mais dans la carrière. C'est elle qui va faire que Verdi circule un peu partout en Europe. Oui, absolument, ouais. Parce qu'elle était accueillie partout. Elle était vraiment merveilleuse. Et aussi, elle... Mais quand même... Il y avait cette dualité. Elle était italienne, il voulait bien vivre en Italie avec elle, ouais. Mais je vous ai mentionné qu'elle est allée à Paris. Il est allé la retrouver à Paris et il a voulu revenir avec elle à Busseto. Mais c'était un petit village, Busseto, là, c'était la campagne, hein, et il n'était pas marié, il vivait dans la même maison. Ouais. Verdi a dû expliquer à son ex-beau-père, enfin le père de sa défunte femme, que oui, il y avait cette femme qui vivait dans la maison avec lui, qu'ils étaient des adultes très raisonnables et qu'ils étaient libres de faire ce qu'il voulait, parce qu'il s'est toujours battu pour sa liberté, ouais. Verdi. Et en fait, Giuseppina aussi, et c'est pour ça que Giuseppina et Violetta de la Traviata, c'est presque la même personne. La donna è mobile, qual più al vento, muta l'accento, e di pensiero, sempre una mobile, leggiadro viso. La donna è mobile, qua più al vento, muta l'accento, e di pensier. C'est en 1851 que Verdi compose Rigoletto, dont on vient d'entendre l'un des airs les plus célèbres. Rigoletto, c'est le premier opéra de ce qu'on va appeler la trilogie de Verdi. Il crée donc cet opéra en 1851. En 1853, suivront les opéras Le Trouvère et La Traviata. La Traviata dont vous parliez, Sylvia Lécuyer, en rappelant que Giuseppina Streponi est un personnage de La Traviata, c'est un peu la même personne. Parlons de la trilogie, de cette trilogie-là, qui va être vraiment importante pour Verdi, mais pour l'histoire de l'opéra, de quelle manière? Pourquoi c'est si important? D'abord, pour Verdi, c'est l'expression de la liberté, de l'individualité et du génie de cet homme-là. Rigoletto, pour commencer, Rigoletto, c'était immédiatement victime de la censure. Imaginez, il s'est inspiré d'une pièce de Victor Hugo qui a été créée en 1832 et qui a été interdite dès la première représentation. Et il a dit tout de suite, oh, ça va faire un merveilleux opéra, mais il fallait rendre l'intrigue acceptable et il a réussi à le faire avec sa musique. C'est quand même extraordinaire. Ouais. Venu ensuite Le Trouvère, et là, c'est une pièce de théâtre romantique espagnol qui lui avait été suggérée par son librettiste Salvatore Camarano. On se demandait comment ça se fait qu'il était intéressé par cette œuvre-là. Mais ce qui l'a séduit, c'est les caractères, les personnages différents. Ce qui l'a séduit, c'est Azucena, une bohémienne énigmatique, problématique, dangereuse. Et la première fois qu'il s'est attaqué au sujet du Trouvère, ce qu'il a essayé de trouver, c'est de trouver l'interprète pour Azucena. C'est ça qui le préoccupait. Il a écrit au directeur de l'opéra, lui demandant de décrire la voix de la personne qui devait créer cet opéra-là, de la chanteuse, en détail. Comment est son registre dans le milieu, dans l'aigu, quelle couleur elle a sa voix, c'est extraordinaire. Et on se rend compte que c'est ce personnage hors du commun, ce personnage qui ne fait pas partie de la société, qui est complètement à l'écart de tout, qui l'a séduit. Et ça, je trouve que ça parle beaucoup du caractère de Verdi. Ouais. Et puis La Traviata, ben encore la même chose. Il a vu la pièce, il a été séduit immédiatement. Ça a été pour lui sa Giuseppina. Et là, on s'est trouvé devant un drame intimiste, réaliste, expressif, contemporain aussi. On n'est pas situé au 18e siècle, on est situé maintenant et ça a choqué. Ouais. Toutes ces trilogies-là ont été hantées par la censure. Et pourquoi? Peut-être la meilleure façon de le comprendre, c'est de nous rappeler, Sylvia Lécuyer, dans quel contexte ça arrive, ces trois opéras-là. Où en est, à ce moment-là, l'opéra en Italie? Alors là, on est sur la fin du bel canto, donc des opéras qui avaient été écrits pour la beauté de la voix, qui n'avaient pas forcément une extraordinaire dépendance dramatique dans le déroulement mélodique, si on veut. Et là, ce qu'il apporte, lui, c'est des mélodies expressive, ouais, du réalisme musical. C'est pas encore le vérisme, c'est quand même réaliste. Et c'est un drame de mœurs. On ne faisait pas ça à l'époque. Ouais. D'ailleurs, même la Traviata, vous savez, a été jouée en costume 18e siècle jusqu'à la fin du 19e. On n'osait pas dire c'est ici et maintenant qu'on trouve ces femmes entretenues, ces grandes allongées, parce que bon, c'était ça, c'est dévoyé, puisque c'est ça que ça veut dire Traviata. Ouais. Donc, il a vraiment brisé les frontières de ce qu'on représentait sur scène à l'opéra à l'époque. Ouais. Et après cette trilogie, cette fameuse trilogie de Verdi, c'est le succès, la célébrité, il travaille un peu partout en Europe. Période très, très riche pour lui. Une période où il va décider de s'attaquer à l'adaptation à l'opéra de grands auteurs. Oui, il a toujours été intéressé par la littérature. Vous savez, il paraît que de toute sa vie, il a eu le théâtre complet de Shakespeare pas loin de sa table de travail. C'était là. Mais en France, bien sûr, il s'est intéressé à Dumas, à Hugo. Et il s'est intéressé au théâtre espagnol, je vous ai mentionné tout à l'heure aussi. Il lisait beaucoup. Il avait un sens dramatique absolument précis. Quand il entendait, il lisait cette pièce, par exemple, de Trouvert, tout de suite, ça lui a parlé. Rigoletto, tout de suite. Il n'y avait pas d'hésitation, il y avait un instinct très, très sûr de ce qu'il devait prendre. Et pour ce qui est de l'œuvre internationale, de l'internationalisme, il ne faut pas se leurrer, oui, il y avait Vienne, il y avait des maisons importantes partout, mais c'est Paris surtout. Et c'est à partir du moment où il s'est installé à Paris, vers 1853, vraiment, que là, il a eu un rayonnement international. On ne pouvait pas réussir à l'opéra en Europe au milieu du 19e siècle si on n'était pas présenté à Paris. Ce requiem de Verdi qu'on entend correspond à un Verdi qui est de retour en Italie. On a parlé de ça un peu plus tôt, Sylvia Lécuyer, il revient donc avec Giuseppina en Italie. Un Verdi qui vieillit, un Verdi qui voit donc beaucoup de ses amis, de ses proches mourir. Ce requiem, il le compose en l'honneur de Manzoni. C'est un peu son monde, au fond, qui commence à disparaître, le monde autour de lui, là, à partir de quoi, 1880? Oui, tout à fait. Et Manzoni, c'est l'équivalent de Verdi en littérature. Manzoni, un poète, un dramaturge, un écrivain, il faisait partie d'un groupe qui s'appelait les Italici Puri, les Italiens purs. On voulait le triomphe de la liberté. Lui aussi symbolisait la libération de l'occupant. C'était très, très important. Il a été aussi intellectuel, politique, sénateur. Donc, c'était vraiment quelqu'un qui était très près de son cœur. Et il voulait lui aussi revitaliser la langue italienne. Alors, vraiment, il s'entendait parfaitement là-dessus. La mort de Manzoni, pour lui, ça l'a vraiment frappé. Il la disait à cette époque, quand il écrivait à ses amis, « Je suis et je reste un paysan de Roncole. » Et même à la fin de sa vie, il le disait toujours, il est toujours resté ce paysan. D'ailleurs, il a eu des terres, des vaches, des champs de blé, toute sa vie. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on Falstaff, dont on vient d'entendre un extrait, et Othello également sont les derniers chefs-d'œuvre de Verdi, Sylvia Lécuyer. Qu'est-ce qui fait que ces deux opéras, Sylvia, sont de si grands opéras? Vous avez entendu la vitalité de l'écriture, la complexité. C'est une fugue, imaginez, qu'on a à la fin de l'opéra où ça dit « tout le monde est une blague ». Donc, une grande, grande maîtrise de son art. Et aussi une complicité avec Boïto, qui a été son librettiste pour ces deux opéras-là. Et bien sûr, appuyé sur Shakespeare. Donc, tout était solide. Boïto lui avait présenté le projet de livret d'Othello. Ils ont passé 6 ans à travailler là-dessus, imaginez. Et c'est aussi le grand travail qui a donné des résultats. Il avait accepté de livrer en 3 jours, mais ensuite a travaillé 6 ans dessus. Un peu la même chose pour Falstaff. Il a tout de suite accepté le livret. Et là, ça a été plus rapide parce qu'avec Boïto, ils avaient pris l'habitude de travailler ensemble. Et Boïto, qui était un merveilleux écrivain, était aussi un compositeur. Donc, ils ont travaillé très, très étroitement. Ils échangeaient tous les jours. Le petit détail du vers a changé. Verdi l'a demandé à Boïto, qui suggérait quelque chose en musique. C'est comme ça qu'on fait des opéras qui marchent, quand évidemment le texte va avec la musique. Donc, ça a vraiment renouvelé l'art lyrique italien, ces deux œuvres-là. Ouais. On n'est pas dans le bel canto, on n'est pas dans le vérisme, on n'est pas dans Wagner, mais on est dans une œuvre de maturité qui fonctionne. Et même s'il s'est fait tirer la patte un petit peu pour le faire, il avait 80 ans, faut faire, hein, ouais. Quand il a écrit Falstaff. Au début, il disait, je ne sais pas, le poids des ans, mais au bout de 2 jours seulement de négociation avec Boïto, il a dit « Amen ». Faisons donc Falstaff. Il meurt en 1901, Verdi. Un mot sur cette mort qui va vraiment profondément marquer son pays. Alors là, je ne sais pas les chiffres, comment on les évalue aujourd'hui, mais on parle de 300 000 personnes qui suivaient le cortège funèbre. Toute l'Italie était en deuil national. Toscanini a dirigé la musique, bien sûr, pour l'événement. On a repris le chœur de Nabucco, une parfaite boucle qui est revenu, et aussi le Miserere, extrait du Trovatore. Donc, je pense que tous les Italiens ont senti qu'ils ont perdu quelque chose de leur âme. Et si je peux faire une petite similitude avec ce qui s'est passé il y a un peu plus de 10 ans, 12 ans maintenant, quand Pavarotti est mort, c'est un petit peu la même chose qui s'est passé. Déjà, pour les dernières représentations, le public dételait les chevaux, prenait le carrosse et l'amenait à son hôtel. Donc déjà, il était au cœur des Italiens. Sylvia Lécuyer, animatrice de l'émission Place à l'Opéra, diffusée à l'antenne d'ici musique. Ça a été un vrai plaisir de travailler avec vous. Merci beaucoup, Sylvia. Merci, Jacques, de m'avoir invité. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.